l'herbe sera tendue vers le ciel qui sera noir, et ta main sera dure, et ton corps sera froid. Moi j'aurai dans la main droite le manche d'une arme blanche qui se sera rougie dans ta chair et moussée dans ton sang. Cette tempête arrivera tôt, j'en serai le tourbillon, de vague à lame en lame de fond, nos navires chavireront. Oui, tu m'as mené en bateau, je t'ai conduite au récif, j'investirai ta peau de mon couteau. Il s'agit d'un avenir qui se profile, murmure encore au creux des vagues, le pourpre choc de nos deux corps. La route sera longue et les voitures passeront, me laissant sur le bord à contre-courant. Ton corps nu dans la campagne s'entourera de corbeaux qui, de leurs plumes noires, te feront un manteau. Lorsqu'ils te retrouveront, j'errerai sur l'échangeur, laissant mêler sur ma peau ton sang et ma sueur. Puis la voiture arrivera avec son doux gyrophare pour me mener et me note au point. L'avenir qui se profile, murmure encore au creux des vagues, le pourpre choc de nos deux coques. Murmure encore au creux des vagues, murmure encore, murmure encore, murmure encore l'instant de grâce, le pourpre choc.